peu par lâcheté, un peu par lassitude, sur la terre brûlée de tous nos jours heureux, un peu par vanité, un peu par habitude, de peur de rester seul, nous vivons tous les deux comme des inconnus qui n'ont rien à se dire, comme des gens pressés qui se voient par hasard, échangeant quelques mots dans un pâle sourire, avec rien dans le cœur et rien dans le regard. Il ne nous reste rien que regrets et remords, rien qu'un amour déjà mort. Nous ne sommes quoi qu'on fasse, que deux êtres face à face, qui vivent comme des étrangers. Mais qu'est-il advenu du couple qui s'aimait? Nous ne le saurons jamais. Nous restons côte à côte en nous rejetant les fautes et vivons comme des étrangers. Peut-être par pudeur, peut-être par faiblesse, nous n'abordons jamais ce problème important et ridiculement figé par la détresse, espérant l'impossible, nous tuons le temps qui sûrement nous dévore et ravage. Ce rien de pureté contenu dans nos cœurs. Et nous sommes deux fous qui, croyant être sages, se gorgent d'un passé qui lentement se meurt. Il ne nous reste rien que regrets et remords, rien qu'un amour déjà mort. Nous ne sommes quoi qu'on fasse, que deux êtres face à face, qui vivent comme des étrangers. Mais qu'est-il advenu du couple qui s'aimait? Nous ne le saurons jamais. Car nous restons côte à côte en nous rejetant les fautes et vivons comme des étrangers.